On va chanter une chanson. Quand il y a des soucis, il y a des problèmes qui t'arrivent tout le temps, sache que il y a un message à décoder derrière chaque situation. Ne pleure pas. C'est un message à décoder. Si tu es malade et qu'on t'a imposé les mains et que la maladie ne fait que s'aggraver, c'est le signe que tu es guéri. Tu sais pourquoi? Parce que quand un homme est locataire et qu'on le chasse, parfois dans la colère, il commence à casser les portes. C'est le signe qu'il part. Alors si tu vois dans ta santé, ça commence à s'empirer, c'est le locataire qui casse les portes parce qu'il doit partir. Alléluia! Satana ayebaki kufa ya kolo Yesu ezalaki lobi kwa nkoto na nkoto nde la mema kite mwana nzambe kunana ekulusu nekulusu biso Donne connaître victoire pour l'élaner la terre. Ne pleure surtout pas, mon frère, ma soeur. Derrière chaque signe, il y a une voix. Oh, ne pleure surtout pas, mon frère, ma soeur. Il y a un message à décoder. Ne pleure surtout pas. Essuie tes larmes, oh, oh. Car tu as un Dieu vivant. Oh, il y a une voix. Il y a un message à décoder. Ce qui Satana a yebaki et te kokota na nzoto na yo a déclenché toute la puissance de Dieu. De la coca qui te cocota, pouetez amen à bison, amen à pomoy. Ne coulousou, ne tozuilo biko, ne pleure surtout pas, ne pleure surtout pas, mon frère, ma soeur. Oh, oh, oh. Derrière chaque si, il y a. Ah, ne pleure surtout pas, mon frère, ma soeur. Ah, il y a un message à décoder. Oh, ne pleure surtout pas. Il y a une voix. Hey, ne pleure surtout pas, mon frère, ma soeur. Oh, il y a un message à décoder. Tu es parti, tu es parti voir l'homme de Dieu. Pour qu'il t'impose les mains dans la prière. Et après, la maladie ne fait que s'empirer. Ne pleure surtout pas, c'est le signe que le diable va sortir. car il s'est trompé d'adresse. Ne pleure surtout pas, car tu es Dieu vivant. Ne pleure surtout pas. Derrière chaque signe, il y a une voix. Ne pleure surtout pas, mon frère, ma soeur. Oh, il y a un message à déployer. Oh, ne pleure surtout pas. Ah.